Vous êtes-vous jamais demandé ce à quoi pensaient nos ancêtres en contemplant le ciel nocturne? Comment envisager l'espace sans l'arsenal scientifique contemporain? Eh bien, par intuition, par approximation, par erreur, bien sûr. Cette histoire du cosmos que nous nous proposons de vous raconter depuis l'Antiquité jusqu'à sa fixation dans un état proche de notre conception contemporaine par Newton, c'est avant tout une histoire de sphères géocentrées, imbriquées les unes dans les autres. C'est comme l'écrivait Merleau-Ponty, un ajustement très subtil entre ce que l'œil voit, ce que l'imagination construit et ce que la raison exige. Première nouvelle du cosmos, c'est le programme sphérique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter cette histoire des conceptions successives qui s'emboîtent les unes dans les autres, à la manière de différentes sphères, et donc ces conceptions du cosmos par l'humanité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Cessignars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département Histoire et Philosophie des Sciences à l'Université Paris Diderot. Et Denis Savoie, bonjour. Bonjour. Historien des sciences à Universcience, chercheur associé au CIRT de l'Observatoire de Paris. Vous avez collaboré à la préparation de l'exposition que nous allons visiter dans quelques secondes, Le Monde en Sphère. C'est à la Bibliothèque Nationale, site François Mitterrand, à Paris jusqu'au 21 juillet. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast également, ainsi qu'en complément. Et vous allez voir, nous allons poster un certain nombre d'images, de représentations, en complément donc de cette conversation sur notre fil Twitter. @laméthodefc. Et justement donc, pour ouvrir cette émission, nous nous sommes rendus à cette exposition Le Monde en Sphère à la Bibliothèque Nationale de France. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on voit donc dans les couloirs de la Bibliothèque Nationale? Et on y voit des sphères et des globes. Cette exposition revient sur l'invention du modèle sphérique dans l'Antiquité. Sur près de 2000 ans, elle montre comment les savants se sont imaginés le cosmos. J'ai retrouvé François Navroki, qui est conservateur du département des cartes à la BNF. Et ensemble, on s'est arrêté devant plusieurs modèles symboliques, celui de Aristote bien sûr et de Ptolémée, qui ont incarné le triomphe du modèle sphérique jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Là, dans l'introduction, il s'agit d'une sphère, enfin d'un instrument mécanique, d'horlogerie en fait, qui inclut une sphère armillaire. Donc, qui permet d'une certaine manière de montrer les mouvements du Soleil et de la Lune autour de la Terre, donc dans un système qu'on pourrait appeler celui de Ptolémée, un système donc géocentrique, tout cela dans le ciel étoilé qui est symbolisé par la bande zodiacale, c'est-à-dire la bande où se déplacent les astres. Alors cet instrument, lui, il est plus tardif, je crois qu'il date du XVIIIe siècle, mais il représente vraiment un modèle de pensée très ancien qui date de Ptolémée, là où le monde était géocentrique, avec un monde supralunaire, un monde sublunaire. Alors oui, effectivement, nous avons montré des objets du XVIIIe siècle pour expliquer quels sont les principaux objets dont on parle, c'est-à-dire globes célestes, terrestres et sphères armillaires. Donc on est un peu sur un aboutissement cartographique de ces objets qui vont les rendre plus familiers et donc plus compréhensibles pour le visiteur. Alors si on peut s'approcher un peu, comment on pourrait la décrire? En fait, les armilles, ce sont des cercles, ici des cercles de laiton, qui sont assemblés les uns avec les autres ou imbriqués les uns dans les autres pour symboliser les principaux cercles qui constituent la sphère céleste. Donc il y a un équateur par exemple, et puis les deux tropiques qui sont les points tangents, les cercles parallèles à l'équateur qui sont tangents à l'écliptique et donc au signe du Cancer et au signe du Capricorne pour les deux extrémités. Il y a aussi bien sûr le cercle écliptique qui est donc la course apparente du Soleil dans le ciel, qui traverse tous les signes du zodiaque et qui est incliné de 23,5 degrés par rapport à l'équateur, ce qui correspond à l'axe d'inclinaison de la Terre. On peut avancer dans le parcours? Oui. Alors après avoir expliqué ces objets fondamentaux et notamment la sphère armillaire, on revient sur l'Antiquité, sur la genèse de ces systèmes sphériques qui viennent de l'Antiquité gréco-romaine essentiellement et qui s'incarnent notamment dans les synthèses qu'en ont tiré Ptolémée d'Alexandrie, donc au IIe siècle après Jésus-Christ, ce qui fait qu'on parle souvent de système de Ptolémée, mais c'est un système plus ancien qui est l'aboutissement de toute une transmission de savoir qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ pour les plus anciens, voire pour certains savoirs astronomiques de l'Antiquité assyrienne. Alors à quoi ressemble ce modèle qui est en sphère déjà assez tôt dans l'histoire ? Oui, donc assez tôt dans l'histoire, on savait que la Terre était ronde, on avait la conception d'un ciel d'étoiles fixes, c'est-à-dire immobiles les unes par rapport aux autres, donc des constellations qui sont des rassemblements d'étoiles immuables dans le ciel, et on pensait qu'elles étaient toutes sur une sphère céleste, c'est le globe céleste, hein, qui est un peu les limites du monde, les limites du cosmos. Et entre cette Terre au centre de l'univers immobile et à l'autre extrémité, une sphère céleste d'étoiles fixes qu'il faut imaginer beaucoup plus grande, il y a des astres qu'on voit se mouvoir tout au long de l'année et des saisons. Des astres errants corrompus. Des étoiles errantes, comme on dit, ou des astres errants qui sont en fait nos planètes, ainsi du système jusqu'à Saturne, ainsi que le Soleil et la Lune. Dans l'ordre de proximité apparente de la Terre, donc d'abord la Lune, Mercure, Vénus, qui passe devant le Soleil, et puis donc le Soleil, et derrière le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, chacune se mouvant dans un ciel ou dans une sphère céleste. En fait, il y a l'objet lui-même, Vénus par exemple, est une sphère, bien sûr, c'est une orbe, mais elle se déplace dans un cercle, dans une sorte de trajectoire qui est circulaire et qui constitue une sphère céleste. Et donc, la hiérarchie des sphères nous permet de monter de ciel en ciel, et notamment sublunaire. Donc on va traverser les cieux jusqu'au 7e ciel qui est celui de Saturne, et le 8e ciel, celui de la sphère des étoiles fixes. Et au-delà, il y a un mouvement originel qui a été donné par un démiurge, d'après Platon par exemple, et qui, ensuite revu par les Arabes et aussi les chrétiens, devient le siège de Dieu, et en particulier les chrétiens vont créer d'autres ciels au-delà de la sphère des étoiles fixes. Donc dans la quatrième partie de l'exposition, qui est appelée Sphère en révolution au pluriel, nous allons montrer toutes les métamorphoses du système classique qui va se déconstruire aussi, évoluer, enfin qui est la matrice aussi de nos savoirs actuels. Alors concrètement sur ces sphères armillaires, qu'est-ce qui change par rapport aux premières représentations ptoléméennes qu'on a vues tout à l'heure ? Alors d'une certaine façon, c'est un système qui garde une certaine validité dans la mesure où le point central, c'est l'observateur terrestre. Mais par ailleurs, on va faire des sphères coperniciennes qui, elles, vont rendre compte davantage des nouvelles découvertes. Alors, par exemple, on en a une dans l'exposition ici qui va faire l'effort de dépasser les premières sphères et qui va aller jusqu'à représenter toutes les sphères jusqu'à Saturne, enfin toutes les planètes jusqu'à Saturne, mais qui va, par exemple, donner ses anneaux à Saturne, hein, qui sont une découverte du XVIIe siècle, et qui va modéliser. C'est aussi un instrument mécanique, les mouvements de ces différents astres dans le ciel à différents moments de l'année. Donc c'est un instrument mécanique qui marche sur plusieurs décennies, qui permet toutes sortes de calculs et de prévisions. Voilà un aperçu de ce qui vous attend à la Bibliothèque nationale à Paris sur le site François Mitterrand dans cette exposition Le Monde en sphère. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Denis Savoie. Écoutez, en fait, l'exposition part grosso modo d'Aristote, du monde sphérique, et puis on montre les grandes étapes, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, en montrant aussi les conséquences sur la géographie, et on aboutit jusqu'à l'époque contemporaine, puisqu'on aboutit à montrer que la Terre n'est pas une sphère, mais un ellipsoïde, voire un géoïde avec des bosses, des creux. Donc c'est vraiment une exposition qui balaye 2500 ans d'astronomie et de géodésie, en fait. Jean-Jacques Cessignars. Oui, alors malheureusement, j'ai pas pu assister à cette exposition. Simplement, bon, je vois qu'elle est passionnante. Moi, j'insisterai, mais on verra ça plus tard, sur la puissance à la fois théorique, mathématique et philosophique du concept de sphère, qui traverse les siècles. Dans la plupart des grands auteurs qu'on va voir, il y a quasiment un éloge de la sphère et une réflexion sur ce que c'est qu'un monde sphérique. Donc, et je vois qu'évidemment, Denis Savoie, qui est plus expert que moi en ce qui concerne les instruments proprement dits, mais on retrouve cette force théorique dans la conception des instruments. Donc, On va y revenir évidemment dans quelques minutes. Juste un mot peut-être, Denis Savoie, encore autour de l'exposition sur la sphère évidemment comme objet scientifique, mais également comme objet esthétique et mathématique, scientifique et artistique. On est toujours à mi-chemin entre les deux. On verra d'ailleurs que ce sera important pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques Cécinière. Absolument, parce que la sphère armillaire, c'est l'instrument d'astronomie privilégié, par exemple de Ptolémée. Faut pas oublier que c'est un instrument. Alors, aucune ne nous est parvenue de l'Antiquité, du moins la sphère armillaire, et ça permet de mesurer directement des coordonnées écliptiques d'étoiles. Ptolémée, dans l'Almageste, élabore toutes ces positions avec la sphère armillaire, qui va ensuite être déclinée en globe céleste, puis en globe géographique. On va l'utiliser encore au XVIe, au XVIIe siècle, comme instrument pédagogique, on en a même dans des lycées au début du XXe siècle, pour montrer, si vous voulez, le mouvement des planètes autour du Soleil, et avant, au XVIe siècle, le mouvement des planètes autour de la Terre. Donc c'est aussi un instrument pédagogique et de mesures extrêmement élaborées. Tycho Brahe, au XVIe siècle, dans son observatoire, va perfectionner la sphère armillaire. Elles peuvent atteindre des dimensions considérables, plusieurs mètres. Chez Tycho, par exemple, c'est du bois recouvert de métal. On en reparlera tout à l'heure. Oui, un dernier mot peut-être sur le point de départ. Pourquoi avoir voulu organiser précisément cette exposition, avoir ressorti tous ces spécimens que vous montrez sur le site François Mitterrand de la BNF? Parce qu'en fait, alors ce sont les deux commissaires, hein, Catherine Hoffmann et Jean-François Navrocki, qui ont eu cette idée de faire cette exposition hommage à Jean-Yves Sarrazin, qui était le directeur du département Cartes et Plans. Et c'était de montrer au public d'abord des trésors, parce qu'on montre des objets d'une très grande beauté. C'est pas que des mathématiques, c'est pas que de la géographie. Et c'est aussi une vertu pédagogique, c'est de faire comprendre aux gens que la sphère, comme l'a dit Jean-Jacques, a une très grande importance chez les physiciens, les mathématiciens, les astronomes, et qu'on sait depuis très longtemps que la Terre est ronde. Ça permet aussi de clouer le bec aux platistes. Voilà, et puis de convaincre Jean-Jacques Cécinière, ce qui vous regarde avec intérêt, d'aller visiter cette exposition. Vous avez jusqu'au 21 juillet, ce qui vous laisse une petite marge. Oui, bien sûr, bien sûr. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc alors pas uniquement des sphères, mais nous utilisons et nous partons de cette exposition Le Monde en Sphère à la BNF François Mitterrand pour parler des différentes conceptions du cosmos en sphère. Nous en parlons avec Jean-Jacques Cécinière, c'est Denis Savoie. Et à l'origine de ces sphères et de notre compréhension du cosmos, avec peut-être pour commencer d'ailleurs, Jean-Jacques Cécinière, c'est un point étymologique, c'est intéressant ce mot cosmos, parce que le mot cosmos, étymologiquement, c'est ce qui est ordonné à l'inverse. Du chaos. Oui, complètement. Oui, c'est ce qui est ordonné. Mais ce qui est très important, je veux dire, du point de vue de l'histoire, de l'astronomie, et de c'est l'idée qu'il puisse y avoir une science du tout comme tout. Et ça, c'est ce qu'est la cosmologie, avec des variations sur la nature de ce tout, puisqu'on y fait entrer aujourd'hui en toutes les sciences expérimentales, mais c'est cette idée du tout comme tout. Et ce qui représente, en quelque sorte géométriquement, mais plus largement ce tout, c'est la sphère. C'est la sphère, et j'aime bien citer l'un des grands historiens de Ptolémée, l'astronomie de Ptolémée, qui est Olaf Pedersen, qui explique en fait que pour lui, dans son introduction, que le fait que l'humanité ait conquis cette notion de sphère, c'est une sorte de point de départ pour la rationalité scientifique. Que la sphère représente une des formes essentielles de rationalité scientifique, pour toutes sortes de raisons qu'on verra plus tard, si vous voulez. Et Platon explique aussi que la sphère représente la méditation et la réflexion. Ça plonge ses racines très très profondément, je dirais, dans la métaphysique pure. Mais à côté de ça, alors on verra aussi, il y a des démonstrations véritablement par l'absurde qui veulent montrer que la Terre est ronde et que l'univers est sphérique, avec des démonstrations par confrontation avec l'observation. Si ça n'était pas le cas, alors si c'était un cylindre, alors on verrait pas les choses de cette façon, etc. Donc il y a un développement argumentatif très spécifique dans la plupart de des grands traités, en particulier dans l'Almageste, pour montrer que la vraie solution, c'est la sphère. Après, il y a beaucoup de variations, de subtilités. On pourra revenir sur certaines d'entre elles. On a encore 45 minutes pour ça, donc on a un peu de temps. Denis Savoie, sur ce début, sur effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques Cécinière, c'est effectivement s'approprier la sphère comme objet géométrique, comme objet mathématique, la projeter à la fois sur notre planète et sur le cosmos. C'est le premier acte de rationalité scientifique, en quelque sorte. Alors, en fait, on est en terrain sûr, en astronomie, à partir de Platon et d'Aristote. On a les présocratiques avant, c'est-à-dire les... On va en dire un mot d'ailleurs, on va peut-être pas les balayer trop vite, ces présocratiques. Parce que... on peut en dire deux mots. De toute façon, on peut en dire que deux mots d'ailleurs. donc, c'est les philosophes entre Thalès et Socrate. On ne les connaît que par des sources extrêmement indirectes, oui. Ce sont des fragments, en fait c'est l'homme qui a vu l'ours, il n'y a pas grand chose à en tirer, et je le disais, on est vraiment en terrain sûr avec Platon et Aristote qui vont, comme l'a un peu évoqué Jean-Jacques, fixer la physique et l'astronomie pour à peu près 2000 ans, en disant, un, pour des raisons de perfection, les mouvements dans l'univers ne peuvent être que circulaires et uniformes, d'accord, la Terre est au centre du monde, parfaitement fixée et mobile, tout tourne autour d'elle, et le monde est divisé en deux parties, le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde situé sous l'orbe de la Lune, et le monde au-delà de l'orbe lunaire, qui est le monde de la perfection. Alors ça, c'est la conception aristotélicienne. Juste pour faire un tout petit pas en arrière, Jean-Jacques Cécignars, le cosmos, donc c'est un endroit qui est dans un premier temps peuplé de mythologie, de croyances irrationnelles, merveilleuses. À partir de quand est-ce qu'on commence à avoir des éléments qui montrent qu'il y a une tentative de rationalisation de cette compréhension de cette sphère céleste? C'est toujours un peu difficile de dater un point d'origine, hein, mais il y a essentiellement les pythagoriciens, donc puis il y a des différences à faire entre le haut pythagorisme, etc. Mais il y a déjà une tentative de conception, de représentation du monde avec tout ce qu'on sait sur le feu central, donc dans lesquels vont plonger, puiser les différents astronomes par la suite pour justifier leur propre système. Hein. Mais on a l'idée d'une systématicité, elle est très lente à se faire, hein, au moins à ce que je peux en savoir. Et on peut dire en gros que les brèches sont colmatées, si on peut parler comme ça, mais je ne voudrais pas non plus être trop tranché, mais par des mythologies. Une mythologie que vous pouvez trouver, alors c'est extrêmement riche, hein, la mythologie a été l'objet d'études de très grands professeurs, mais il y a Atlas qui porte le ciel, etc. Donc, et il y a évidemment des formes de rationalité à extraire de ces mythologies et qui ont leur droit de citer, mais on n'a pas à proprement parler ce qu'on pourrait dire une cosmologie et une astronomie scientifique, comme on vient de le souligner, parce qu'il faut, si vous voulez, pouvoir faire de façon assez sûre de la géométrie. Hein, si vous pouvez pas, ça devient compliqué. Avant d'en arriver à Aristote, encore une fois, hein, tout de suite, on trouve très vite quand même ces liens que vous évoquiez l'un et l'autre entre la perfection de la figure géométrique, sphérique, la nécessaire perfection de la création du cosmos. Platon d'Antimée, hein, c'est pourquoi le dieu a tourné le monde en forme de sphère dont les extrémités sont partout égales à distance du centre, cette forme circulaire étant la plus parfaite de toutes et la plus semblable à elle-même. Oui, absolument. Il y a cette notion de perfection qu'on trouve chez les philosophes de l'Antiquité. Il faut dire aussi que le sens et l'observation vous montrent qu'on a l'impression que le monde est sphérique. Vous restez par une belle nuit étoilée à regarder le ciel, vous allez voir le mouvement d'onde qui va entraîner les astres d'est en ouest, et vous allez véritablement avoir l'impression d'être au centre d'une gigantesque sphère céleste, et rapidement va s'imposer le parallélisme entre la sphéricité apparente du ciel et la sphéricité de la Terre. Donc il y aura toujours un va-et-vient entre ces deux mondes et la perfection géométrique. Et donc ça va être les fondements de la physique et de la géométrie à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et du géocentrisme, évidemment. Oui. Alors, le géocentrisme. Alors, ce sur quoi il faudra. Peut-être les gens sont pas, les auditeurs sont pas vraiment au fait, c'est que le géocentrisme est un ensemble de théories extrêmement vaste, extrêmement argumenté, souvent très subtil. Et il ne faut pas s'étonner que ce géocentrisme ait subsisté pendant 2000 ans. Hein, donc, et alors, ce géocentrisme, on va peut-être en parler de façon différente. Vous avez différents modèles de géocentrisme. Hein. On oppose classiquement, il y a ce qu'on appelle, systématisé par Aristote, mais avant par des mathématiciens platoniciens comme Eudoxe, etc. Il y a ce qu'on appelle les sphères homocentriques. Et le système des sphères homocentriques, c'est un système extrêmement subtil et compliqué qui arrive à pour chacune des planètes, à décrire les mouvements rétrogrades des planètes. Parce que pour un observateur immobile, les planètes décrivent des mouvements rétrogrades. Elles progressent, puis ensuite elles stationnent, elles rétrogradent, et ensuite elles repartent. Donc elles décrivent ce qu'on a appelé des boucles dans le ciel, des mouvements rétrogrades. En fait, il faut les voir, ces boucles. Hein. Mais, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les mathématiciens de l'Antiquité ont réussi à produire un système extrêmement subtil de sphères homocentriques, système qui réussit à reproduire des boucles dans le ciel. Alors, je vais employer un mot très, très barbare pour nos auditeurs. C'est une lemniscate gauche, c'est-à-dire une lemniscate qui n'est pas dans un plan, qu'on arrive à reproduire par un système de sphères homocentriques. Mmh. Et ce système est tellement subtil, tellement mathématiquement intéressant, qu'il va subsister bien plus tard et qu'il sera repris même par Gauss dans certains de ses travaux, etc. Donc il y a ce premier système-là. Et puis, par ailleurs, il y a l'autre système, et je ne vais pas monopoliser la parole, il y a le système de Ptolémée, qui est différent. Et en gros, bon, c'est le système de ce qu'on connaît être les épicycles et les déférents. On va y venir à Ptolémée, on va essayer de rester, parce qu'il y a Eudoxe, hein, les sphères homocentriques que vous évoquez, Eudoxe de Cnide, qui va servir d'ailleurs de modèle à Aristote. On peut peut-être dire un mot, même si c'est anecdotique, pour dire que l'héliocentrisme qu'on fait remonter à Copernic, en fait, il apparaît très tôt. On en trouve des mentions chez Aristarque de Samos. Oui. Cité par Archimède, mais alors c'est vraiment très anecdotique, mais néanmoins, enfin, ça existe, Denis Savoie. Alors ça existe, Jean-Jacques l'a souligné, chez les pythagoriciens, et d'ailleurs Copernic, dans la préface du De Revolutionibus, mentionne ses prédécesseurs, comme Philolaos, comme Marcellus Capella, bien que ça soit pas le même héliocentrisme non plus, et vous le disiez, Aristarque de Samos, sauf qu'il faut d'emblée souligner une chose, Copernic n'a jamais connu l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos, puisqu'on le découvre, le monde savant le découvre en 1544, dans l'édition Princeps de la Rainer d'Archimède, et Copernic est mort depuis un an. Et comme vous le disiez, ça fait trois lignes. Et si vous voulez dire, oui, il se peut que les planètes tournent autour du Soleil, et construire un traité de mathématiques et d'astronomie autour de l'héliocentrisme, c'est une chose différente. Donc ça devait être une hypothèse plus ou moins fréquente dans l'Antiquité, faut pas s'en étonner en fait. Alors j'aimerais qu'on parle un peu du système qui va se figer avec Aristote sur les bases de ces sphères homocentriques de Dox. Peut-être un mot, parce que je le citais dans l'introduction et je trouve ça assez brillant, de Merleau-Ponty qui écrit « Le fait capital à cet égard, en parlant de l'intention cosmologique, est qu'à une certaine époque, dans une certaine région du monde, une certaine image géométrique du monde se fixe. L'important est de comprendre que ce système qui a duré 20 siècles est totalement erroné et que cependant, il porte une sorte de vérité permanente dans la mesure où son économie résulte d'un ajustement très subtil entre ce que l'œil voit, ce que l'imagination construit et ce que la raison exige. » Oui, alors donc, un très bel hommage à mon maître et patron Jacques Merleau-Ponty, donc, j'ajouterais juste qu'il dit que le modèle des sphères hante la cosmologie contemporaine, hein, donc ça s'est pas arrêté. Alors maintenant, c'est subtil cette citation, parce que ça veut dire d'un côté qu'il y a beaucoup d'erreurs, c'est erroné au sens où les observations, etc. Mais il y a des choses qui restent absolument remarquables à quelques heures, ou ce qu'on refuserait aujourd'hui, mais à quelques heures près dans l'observation, même à un jour près pour datation d'une éclipse, reproduction d'une éclipse. Mais il y a l'explication de l'éclipse. Et ça, le principe de l'explication reste vrai. Donc, c'est tout à fait juste de dire que cet agencement de sphères, cette subtilité admirable, a subsisté. Mais vous savez, ce modèle de la sphère, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris complètement. Peut-être qu'on y reviendra, mais moi c'est un problème qui m'a toujours rendu difficile, c'est si vous voulez, c'est la physique de ces sphères. La physique de ces sphères, à quelle physique ça répond? Parce que le problème, c'est que ces sphères, il y a la question, ces sphères, on a pensé, et je pense que ça c'est réel, que ce sont des sphères solides. Donc, vous parlez des sphères telles qu'elles sont conçues même, par Aristote. Même par Aristote, c'est solide. Mmh. Mais après, toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est que cette solidité? Et qu'est-ce que c'est que cette matière? Des gens ont écrit des pages et des pages extrêmement subtiles sur cette question, réfléchi, etc. Mais ça reste un véritable problème. Denis Savoie, sur cette citation de Merleau-Ponty, Elle est magnifique et je pense que c'est une leçon d'humilité dont les cosmologistes actuels devraient s'inspirer. Parce que faire des amis. J'en ai beaucoup. Et si vous voulez, elle traduit la chose suivante, c'est qu'on peut très bien, comme le dit Jean-Jacques, expliquer ce que l'on voit dans le ciel avec un système cosmologiquement erroné mais qui fonctionne très bien. Car le géocentrisme, c'est-à-dire la Terre immobile au centre du monde et tout qui tourne autour d'elle, grâce à des combinaisons géométriques, permet très bien d'expliquer le mouvement apparent des planètes dans le ciel. Copernic, au XVIe siècle, en faisant un changement de repère, ne va pas faire mieux qualitativement. Il aura les mêmes valeurs pour ses observations, si vous voulez, pour ses résultats. C'est-à-dire qu'un système qui est faux, comme le système de Ptolémée, du point de vue physique, arrive au même résultat qu'un système qui est correct. Donc c'est ça la leçon d'humilité. On peut expliquer quelque chose dans le ciel avec une physique erronée. Et ça, c'est une leçon magnifique que nous donne Merleau-Ponty, bien sûr. Alors justement, ce système d'Aristote que vous évoquiez à l'instant, Denis Savoie, ce système supralunaire et sublunaire, quel est-il ? Quel est ce système de sphères emboîtées, héritées d'Eudox, complexifiées par rapport à Eudox que Aristote propose ? Comme vous le souhaitez. Alors en fait, Denis Savoie, si vous voulez, c'est rapidement les Babyloniens, parce que les Babyloniens avant les Grecs se sont aperçus que dans le ciel il y avait deux types d'astres, c'est-à-dire des astres fixes les uns par rapport aux autres qu'on va regrouper sous forme de constellations, ce sont les étoiles, et on s'aperçoit que devant ce fond étoilé se déplacent des astres errants, les planètes. Et l'exigence platonicienne, ça va être de dire, rendez compte, vous les astronomes, à l'aide de combinaisons de mouvements circulaires uniformes, du mouvement apparent des planètes dans le ciel. Et qu'est-ce que l'on voit dans le ciel ? On voit cinq planètes à l'œil nu, on les voit se déplacer d'abord vers l'est, on les voit, comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, à un moment de l'année, s'arrêter, faire demi-tour, repartir. Eh bien ça, pourquoi est-ce qu'une planète décrit une boucle de rétrogradation dans le ciel va constituer une des plus grandes énigmes de la science jusqu'à Copernic. Et grâce à Aristote et surtout Ptolémée, qui va faire la synthèse en fait de toute l'astronomie antique, on va pouvoir expliquer, grâce à une invention qui n'est pas de Ptolémée, mais qui est d'un astronome qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Apollonius de Perge, grâce à une combinaison de ce qu'on appelle un déferent et un épicycle, on explique parfaitement, on est capable de prévoir à l'avance la boucle de rétrogradation des planètes par une petite combinaison géométrique assez élémentaire. Alors, on va arriver au modèle de Ptolémée, aux épicycles et aux excentriques. Peut-être un mot encore pour décrire ce système qui a été posé par Aristote, Jean-Claude. Alors, le système posé par Aristote est extrêmement subtil. D'abord, il y a un système de sphères pour chacune des planètes. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais leur progression le long de l'écliptique, l'alternance du jour et de la nuit, etc. Donc, qui est décrit. Et donc, ces systèmes s'emboîtent les uns les autres par ordre, l'ordre des planètes. Alors, l'ordre des planètes, c'est aussi un problème, mais on ne va pas rentrer dans ces subtilités-là. C'est intéressant tout de même, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ce que Aristote voit, c'est qu'il se dit la chose suivante. C'est, si on part de la dernière des sphères et qu'on descend de système en système, le problème que chacune des sphères ajoutait leur mouvement les uns aux autres, alors à la fin on arriverait à la Lune et la Lune irait très très vite. Donc il a inventé un système de contre-sphères qui, à chaque fois que vous avez le système donc Jupiter par exemple, puis vous avez le système de Jupiter qui va neutraliser les sphères de Jupiter et on va repartir à zéro ensuite pour arriver à et ça fait beaucoup de sphères. Alors les gens qui ont raffiné sur ces sphères ont compté de très nombreux, ça peut aller jusqu'à 48 sphères selon celles qu'on compte ou pas, et ça fait donc un système qui fait un tout effectivement, et à la différence des différents modèles qu'avaient proposé Eudox et Calippe, et qui respectent évidemment ce qu'avaient prescrit ces mathématiciens là. Donc, il y a d'autres problèmes à l'intérieur de ce système, mais c'est ça l'objectif d'Aristote. C'était de parvenir à totaliser tous les systèmes de toutes les sphères qu'on connaissait. Hein. Denis Savoie ? Alors oui, donc par ordre de distance, vous avez donc la Terre immobile, vous avez la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et la dernière sphère, qui est la sphère du premier mobile, qui porte les étoiles. Donc il faut imaginer que tout ce système en pelure d'oignon, en fait, si vous voulez, emboîté, tourne autour de la Terre en 24 heures, d'accord, pour entraîner toute la machinerie céleste, et sur les sphères intermédiaires entre l'Empyrée et nous, les planètes se meuvent sur leur propre orbe, avec ce système épicyclique un peu compliqué. Voilà. Alors, oui. Jean-Jacques Cézignars ? Oui, alors bon, c'est effectivement compliqué parce que, disons, traditionnellement, on oppose le système des sphères homocentriques et le système des épicycles et des ferrants qui sont des sphères, mais ces sphères sont beaucoup plus subtiles parce que vous avez, enfin, plus compliquées à représenter parce que faut imaginer que vous avez une espèce de tore, enfin, un pneu. Et puis à l'intérieur de ce pneu, vous avez encore une orbe qui entraîne la planète et avec d'autres problèmes pour rendre compte des observations. Mais c'est quand même deux traditions qui reposent sur la base. Ce sont des sphères, mais ces sphères sont emboîtées différemment selon que vous voulez vous fier à ce système des épicycles et des déférents, qui par ailleurs est un système extrêmement subtil aussi, parce que, on peut approximer beaucoup plus, beaucoup mieux avec ce système d'épicycles. Alors, c'est limité chez Ptolémée, mais on peut rajouter des épicycles, hein, comme aujourd'hui, si vous voulez, on fait des séries de Fourier, si vous voulez, mais c'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais on arrive à des subtilités très grandes avec le système de Ptolémée. Love and life interested me so that I dare to knock at the door of the cosmos. Interested me so that I dared to knock at the door of the Door of Cosmos de Sun Ra sur France Culture à 16h33, puisque nous parlons du cosmos et de ses représentations historiques en compagnie de Jean-Jacques Sessignars, directeur adjoint du département Histoire et Philosophie des Sciences à l'Université Paris Diderot, et de Denis Savoie, historien des sciences à Universcience, chercheur associé au CIRT à l'Observatoire de Paris et collaborateur à l'exposition Le Monde en Sphère qui est en ce moment à la BNF sur le site François Mitterrand jusqu'au 21 juillet. Donc on a tourné la page d'Aristote, on était en train d'évoquer Ptolémée. Comment peut-on expliquer, Denis Savoie, ce que Ptolémée va améliorer dans le modèle aristotélicien? Il va le complexifier, on a bien entendu, hein, tout à l'heure, ces modèles d'épicycle et d'excentrique, mais qu'est-ce qu'il rajoute? Quelle est la surcouche qu'il rajoute justement aux sphères aristotéliciennes? Alors déjà, les sphères homocentriques ne rendent pas de la variation d'éclat des planètes, ce qui est un vrai problème. Et Ptolémée est confronté à un autre problème, notamment avec la planète Mars. C'est que lorsque vous regardez Mars au voisinage de ses oppositions, lorsqu'il y a alignement, si vous voulez, du Soleil, de la Terre et Mars, eh bien, selon la proximité de Mars à la Terre, sa boucle de rétrogradation va être plus ou moins importante. Et il avait beau utiliser de nombreuses combinaisons avec les épicycles et les déférents classiques, ça ne marchait pas. Il veut donc introduire une subtilité mathématique qu'on appelle le point équant. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, mais on va dire pour résumer que c'est une excellente approximation du mouvement keplérien. Et avec le point équant, Ptolémée, dans l'Almageste, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire des sciences, donc il date du 2e siècle après Jésus-Christ, ça s'appelle en grec composition mathématique, ce sont les Arabes qui vont l'appeler Almageste. C'est vraiment toute la synthèse du savoir antique, c'est un ouvrage extrêmement complexe, qui allie à la fois une cosmologie, donc la cosmologie géocentrique, un instrument mathématique, la trigonométrie, et puis des observations et des modèles géométriques. Et grâce à cet Almageste et aux tables qui vont en être issues, eh bien Ptolémée, au 2e siècle de notre ère, Jacques l'a évoqué tout à l'heure, on peut parfaitement prévoir des années à l'avance les éclipses de soleil, de lune, la position des planètes dans le zodiaque, avec une précision absolument extraordinaire, enfin de quelques degrés. Et c'est le premier catalogue d'étoiles qui nous est parvenu également. Donc c'est vraiment la synthèse de toute l'astronomie antique, et ça va dominer tout le Moyen-Âge, l'Antiquité, jusque même au-delà en fait de Copernic. Sur un modèle faussé, ce qui nous renvoie à la citation de Merleau-Ponty tout à l'heure, Jacques Seigniers. Alors je voudrais juste rentrer dans, mais pas rentrer dans le détail de la subtilité de ce point équant. Alors ce point équant a été l'objet de polémiques importantes et des ouvrages sont parus, bon, j'en cite un qui s'appelle « Le crime de Ptolémée ». On considère, si vous voulez, l'axiomatique de ces mouvements, c'est que tout planète doit décrire un mouvement uniforme par rapport au centre du cercle sur lequel elle se meut. Mais pour des raisons observationnelles, Ptolémée a dérogé à ce principe et fait se mouvoir la planète de façon uniforme par rapport à un point qui n'est plus le centre du cercle, qui est justement ce point équant. Et il se trouve que pour toutes sortes de raisons, mais plus précisément, si elle continue à se mouvoir sur un cercle, mais qu'elle n'est pas uniforme sur ce cercle même, bah même si vous passez à sa représentation sphérique, ça va rompre même la représentation qu'on peut s'en faire. D'où ce problème qui est devenu, de façon très diverse, enfin de façon différente, disons, un problème pour les astronomes du XVIe siècle, un problème pour Ptolémée, un problème pour Tycho, etc. Et une façon de résoudre ce problème s'est trouvée dans une école moins connue, maintenant beaucoup mieux connue grâce aux travaux sur l'astronomie de ce qu'on appelle le cercle de Maharaga. Le cercle de Maharaga du nord de l'Iran a trouvé des modèles qui permettent d'éviter ce point équant. C'est un mécanisme de Biel assez subtil. C'est Astouci qui a trouvé ce mécanisme qui évite, si vous voulez, le crime de la non-uniformité ou encore cette hérésie cinématique dont on peut parler. Donc, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on voit dans un cadre de pensée donné comment ce cadre de pensée impose la manière de faire des sciences. Il faut se conformer et ça n'est pas une question d'intelligence, bien sûr. C'est une question de normes et d'axiomes qu'on doit respecter dans la façon dont on conçoit le mouvement. Quand on vous écoute, et c'est d'ailleurs un travers assez fréquent, et on en a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises à ce micro, effectivement, voilà, il y a Ptolémée, 2e siècle après Jésus-Christ, puis ensuite il y a Tycho Brahe au 16e, il y a un creux de 14 siècles avant effectivement le bouleversement paradigmatique que va être la révolution dite copernicienne, mais on pourra éventuellement commenter ou critiquer cet adjectif. Que se passe-t-il dans ces 14 siècles de Nice-Savoie? Il y a tout de même une astronomie arabe qui existe avec des instruments de mesure. Et comment évolue ce système, cette représentation? Est-ce que ça reste des représentations sphériques? Que peut-on en dire? Alors, l'astronomie arabo-perse, on va dire, va découvrir l'Almageste à partir du 8e siècle. Donc, il va y avoir d'abord une phase d'approximation. Ça commence à Bagdad avec Al-Mamoun. Et ensuite, on va, si vous voulez, après avoir traduit cet Almageste en arabe, le commenter, s'apercevoir qu'il y a des imperfections. Et les astronomes arabo-perses vont construire de nombreux observatoires. Jamais une civilisation n'aura autant construit d'observatoires. On va en construire à Bagdad, à Damas. On va même essayer d'en construire plus tard à Istanbul, et donc va observer. Et on va s'apercevoir que certains paramètres de Ptolémée, notamment l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, ça bouge. On va s'apercevoir que les modèles ne rendent pas toujours compte de ce que l'on voit dans le ciel, mais il faut le souligner, jamais l'astronomie arabo-perse ne passera à l'héliocentrisme. Elle va rester prisonnière de ce géocentrisme aristotélicien dont Ptolémée avait commencé déjà à prendre ses distances. Jean-Jacques l'a dit, l'introduction du point équant est une violation du mouvement circulaire uniforme. Copernic, bizarrement, va y revenir. Si vous voulez, les Arabes et les Perses vont massivement observer. Ça sera d'ailleurs utilisé par la suite par Copernic, par Kepler et par d'autres, mais ils resteront prisonniers de ce géocentrisme. Jean-Claude Sissi. Oui, non, il y a une précision importante qui est apportée par l'astronomie arabe sur la base du Ptolémée qu'on a appelé par la suite le Ptolémée arabe. Hein. Et vous avez des modèles qui ont été améliorés, par exemple pour la Lune, le modèle d'Idna-Shatir, on verra que, de façon un peu paradoxale, tout le livre de Copernic sur la Lune est un livre qui reprend pratiquement presque tous les modèles arabes qu'il a pu avoir à sa disposition. C'est pas trop comment, d'ailleurs, peut-être que quand il était à Padoue, il a dû voir sur un tableau, je sais pas, il a reçu des leçons d'un astronome sur place, mais effectivement, ça a eu son importance du point de vue de l'exactitude, de la subtilité. Il y a beaucoup de subtilités dans le détail, on n'a pas le temps de regarder, qu'ont apporté les Arabes de ce point de vue. Mais effectivement, jusqu'à plus ample informé, ils n'ont jamais passé l'étape du géocentrisme. Bon, pour le moment, on n'a pas de manuscrit qui démontrerait le contraire. Ce qui nous amène, alors évidemment un peu en marche forcée, mais à cette fameuse révolution copernicienne. Enfin, c'est en tout cas l'adjectif qu'a retenu l'histoire des sciences. On va pouvoir éventuellement questionner, je le disais à l'instant, cet adjectif, puisque il y a évidemment plusieurs grands noms qui vont se succéder, s'empiler pour aboutir peut-être à ce qu'il faudrait appeler la révolution keplérienne, peut-être plus que la révolution copernicienne, Copernic, Bruno, Brahe, Kepler, Galilée évidemment avant. Comment est-ce que ce flux en fait de modifications, de bouleversements paradigmatiques, de changements de praxis arrive jusqu'à aboutir à Kepler? Alors, de nombreux historiens des sciences se sont interrogés sur qu'est-ce qui a amené Copernic au début du XVIe siècle à envisager l'héliocentrisme. La théorie des précurseurs en histoire des sciences est très dangereuse. On lui en connaît pas, on n'est pas capable aujourd'hui de répondre pourquoi est-ce que Copernic imagine que la Terre est détrônée de sa position centrale et que pour la première fois, Copernic, dans les années 1520, va mettre en circulation un petit ouvrage qui s'appelle le Commentariolus, dans lequel il fait circuler son hypothèse héliocentrique, à savoir que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et qu'elle tourne autour du Soleil en à peu près un an comme les autres planètes. En fait, il va mettre beaucoup de temps à élaborer son système il a assez peu observé. On a moins d'une trentaine d'observations qu'il va utiliser dans le De Rationibus. Et je pense en 1543. Voilà. Mais ce qui va tout changer, je pense, c'est l'apparition en 1539 d'un jeune homme brillantissime qui s'appelle Reticus, qui va arriver de Nuremberg et qui va aller voir ce Copernic dont il a entendu parler, qui est déjà un homme de 70 ans et qui va, Reticus, stimuler le vieux monsieur en quelque sorte, et celui qui va finaliser le De Rationibus, et c'est lui d'ailleurs qui sera chargé de l'impression du De Rationibus en 1543. Alors, c'est un ouvrage extrêmement compliqué, divisé en 6 livres. On estime qu'il y a une cinquantaine de savants en Europe qui l'ont complètement assimilé. C'est extrêmement mathématique, c'est un ouvrage inachevé, avec beaucoup d'erreurs. Copernic est un mauvais copernicien. Il reste très tributaire, si vous voulez, de Ptolémée, mais et des gens, vous l'avez cité, on l'a tout de suite compris, des gens comme Kepler, comme Meslin, Giordano Bruno, pour des raisons théologiques, vont tout de suite percevoir, et Galilée, bien sûr, vont adhérer aux thèses de l'héliocentrisme, qui va mettre du temps d'abord à se diffuser. Il va être condamné à la fois par les catholiques et par les protestants. Alors non, les thèses héliocentriques, parce qu'elle est contraire à l'écriture. Et il suffit de regarder, si vous voulez, la préface de Copernic au pape Paul III pour voir qu'il dit que l'ouvrage qu'il a écrit s'adresse d'abord aux mathématiciens et pas aux théologiens. Mmh. Et évidemment, le sens commun montre que c'est plutôt le ciel qui tourne autour de nous, et Copernic dit bien non, c'est nous qui tournons autour du soleil. Donc, d'abord, le copernicianisme, l'idée copernicienne va se diffuser via des tables, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la finalité de l'astronomie de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, ce sont les tables astronomiques. C'est prévoir le mouvement. Et c'est comme ça que on va découvrir Copernic, parce qu'il arrive à bien prévoir les conjonctions célestes dans le ciel, mieux que ses prédécesseurs. Les conséquences cosmologiques, ça sera l'affaire de Kepler et de Galilée. Jean-Jacques Cécinard, c'est ce que il est vrai de dire, que cet apport copernicien, c'est avant tout, comme vient de l'expliquer Denis Savoie, une forme d'hypothèse de travail mathématique, de reconsidération en fait mathématique, finalement post-ptoléméenne. Il y a des raisons mathématiques dont il faut rendre compte. Ça, c'est clair. Même dans les meilleures reconstructions, on a essayé de. Il y a des problèmes mathématiques, d'anomalies, etc., qui vont être résolus par le système de Copernic. Bon, si on peut dire, l'ordre dans lequel se trouvent les planètes, les périodes, la façon de calculer les périodes, c'est quelque chose, disons, d'un point de vue mathématico-pythagorique. Il y a Copernic apporte cet ordre-là qui n'était pas présent jusqu'alors. Maintenant, il y a des problèmes internes, comme l'a souligné Denis, au De Revolutionibus, qui est un ouvrage extrêmement touffu, extrêmement compliqué, dont vous savez l'expression de Kessler qui dit que c'est le livre que personne n'avait lu. Hein. Donc, il y a le livre que tout le monde a lu, c'est le premier. Parce que le premier livre est un livre général de cosmologie, de présentation. En réalité, et les meilleurs historiens, enfin anglo-saxons et autres, ne s'occupent pas beaucoup en général de ce premier livre. Ils s'occupent des autres livres. Mais en réalité, ce livre est aussi très subtil parce que Copernic. Celui de 1511. Ouais. Mmh. Non. Le premier livre. Oui, d'accord. Le premier livre. Très bien. Pardon. Qui a été traduit pour la première fois en France par Coiré en dans les années 30. Hein, donc, après, il y a eu toute l'équipe de l'Observatoire qui a amélioré, etc. etc. Mais il y a cette légende qui dit qu'il y a le livre que tout le monde a lu, puis les livres que personne n'a lu. Et le livre que tout le monde a lu, c'est le premier livre, parce que Copernic, il démontre que la Terre est sphérique, que c'est mieux que la Terre soit en mouvement, que c'est Aristote qui est en contradiction avec lui-même en voulant faire se mouvoir les cieux et la Terre immobile, parce qu'il dit que Copernic dit Aristote devrait avoir encore plus peur, parce que si ça tourne, ça va tourner de plus en plus vite et le ciel va exploser. Donc, il renverse l'argumentation qu'Aristote lui opposait, ou qu'on a opposé au mouvement de la Terre. Donc, mais ce livre-là, donc, est très subtil, est plus subtil qu'on ne le pense. C'est un livre, disons, de cosmologie générale, de présentation générale. Et puis, il y a les autres livres. Alors, les autres livres sont, eux, très difficiles, et sans doute le plus compliqué est le dernier qui traite des latitudes, parce que, et en fait, il a été achevé, semble-t-il, le premier par Copernic, mais là, Copernic s'embrouille. Copernic s'embrouille dans ses sphères, dans ses latitudes, pour penser le mouvement en latitude par rapport à un observateur qui est lui-même en mouvement. Il y a des endroits où il se contredit. Bon, mais ça n'empêche pas que l'ensemble, le livre 3, qui est celui des longitudes, est un livre sans doute l'un des plus remarquables. Et comme on dit, il y a dans Copernic, si vous voulez, des fulgurances intuitives, on ne sait pas, des arguments comme ça qui sortent, qui nous emportent, hein, qui emportent l'adhésion. Alors quant aux autres, juste je termine. Bien sûr. Les successeurs, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que des astronomes ou des astronomes physiciens très jeunes ont adhéré au système de Copernic. Kepler, il était au tout début de sa carrière, Galilée au tout début de sa carrière, et hop, ils prennent parti pour Copernic. On a tout de même une forme d'idée de l'origine de cette pensée copernicienne, de cette basculement de praxis. On sait d'où elle vient. Est-ce qu'elle est observationnelle? Est-ce que c'est un exercice de l'esprit? Est-ce qu'on sait comment elle s'enracine finalement? Non, c'est pas observationnel, parce que je l'ai dit, Copernic, qui était en dehors des grands foyers intellectuels de l'époque, hein, dans sa Pologne perdue, a très peu observé. Il est très dépendant de ses prédécesseurs au niveau des observations. Ce qui peut lui poser problème, c'est cette immense sphère céleste, la sphère du premier mobile, qui porte toutes les orbes, qui doit avoir une vitesse gigantesque pour faire le mouvement diurne. Ça a peut-être stimulé Copernic, mais je l'ai dit, on ne sait pas ce qui a conduit Copernic à l'héliocentrisme. Toujours est-il que, comme l'a dit Jean-Jacques, il y a une espèce de simplification. Pour la première fois, il y a un lien entre la période et la révolution de la planète, ce qui n'existait pas chez Ptolémée. On peut enfin, et ça sera utilisé par Kepler, trouver la distance des planètes au Soleil. Et puis le livre 6, comme l'a dit Jean-Jacques, est tout à fait inachevé. D'ailleurs, Alain Segond, qui faisait partie de l'équipe qui a traduit le Derive Solibus à l'Observatoire, a montré que ce livre 6, qui traite des latitudes des planètes, est pratiquement une traduction mot à mot du grec en latin de l'Almagest de Ptolémée. Donc en fait, il y a trois auteurs dans le Derive Solibus, il y a Copernic, Rheticus et Ptolémée en fait. Oui, alors il faut insister aussi sur le rôle de Rheticus, parce que c'est un personnage tout à fait étonnant, un personnage qui a défrayé la chronique, qui s'est fait renvoyer de l'université, qui est parti, etc., et qui a été très jeune, séduit par le système de Copernic. Et lisant ce système de Copernic, le Commentariolus, il s'est dit c'est ça qu'il faut faire, et donc il a été en quelque sorte réveillé le Copernic de son sommeil. Il était Copernic, on le décrit comme un peu quelqu'un qui était déjà, il a 70 ans, il veut pas de trop d'ennuis, et hop, Rheticus arrive avec des ouvrages mathématiques, avec des questions, avec des possibilités, et ils se sont mis au travail, et on a le manuscrit pratiquement au jour le jour, des calculs, etc., et de ce qu'a fait Rheticus. Et Rheticus, dans un certain sens, est peut-être plus avancé que Copernic pour ce qui est de certains problèmes posés par la physique des sphères. Parce qu'il voit les choses d'un point de vue plus physicien que le faisait Copernic. Copernic, on l'a dit, hein, puis derrière, il y a les apports successifs, Giordano Bruno, qui va lui brûler pour son héliocentrisme. Alors, il faut préciser tout de suite, Giordano Bruno n'est pas du tout condamné le 17 février 1600 pour son héliocentrisme. Hein. Il est condamné pour... D'abord, l'héliocentrisme n'est pas condamné à l'époque, il est condamné parce que c'est un blasphémateur. C'est ça qui va attirer l'ire des théologiens à l'époque. C'est pour ça que l'Inquisition lui met la main dessus. Il a écrit et maintenu et soutenu des thèses blasphématoires contre Dieu, contre le Christ, contre la Vierge. Et c'est ça qui lui vaut d'être brûlé vif à Rome en 1600. L'héliocentrisme arrive en énième position. On va renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée entière à Giordano Bruno. On expliquait effectivement ce que vous venez de détailler. Tycho Brahe, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui est un observateur. Alors pour le coup, c'est un grand observateur. Immense. C'est le premier grand observateur en Europe, qui va construire donc un grand observatoire au Danemark, dans l'île d'Orven, qui va passer 20 ans à observer le ciel avec des instruments extrêmement perfectionnés. Il arrive à une précision de l'ordre de 2 minutes de degré, mais il ne croit pas, Tycho Brahe, à l'héliocentrisme de Copernic, à la fois pour des raisons théologiques et à la fois pour des raisons observationnelles. Parce qu'il dit, si la Terre tourne autour du Soleil, alors on doit observer une parallaxe des étoiles. Et dit, moi, avec mes instruments, je n'observe pas cette parallaxe, donc la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Et il va imaginer un système intermédiaire, un système géohéliocentrique qui sera utilisé plus tard par les jésuites, où la Terre est au centre, le Soleil tourne autour de la Terre, mais les planètes tournent autour du Soleil. Alors c'est un pseudo-système parce que il n'en sortira jamais rien, si vous voulez, aucun traité, aucune éphéméride. Mais lors de la condamnation de l'héliocentrisme en 1616 par l'Église, c'est vers ce système tychonien que vont se tourner les théologiens. Jean-Luc Cessignars. Oui, non, c'est un système. Tycho Brahe c'est un système qui est aussi utilisé dans la marine, hein, le système de Tycho Brahe. Donc, il a gardé une certaine utilité. Alors, tout à fait. Donc, d'abord, Tycho est le plus grand observateur du XVIe siècle et même peut-être au-delà, parce que il est arrivé à une précision. Alors, si vous voulez, il a regardé la matière dans laquelle étaient fabriqués ses instruments astronomiques. Il a envoyé des élèves refaire des observations depuis depuis Frombourg. Il a à son actif donc la découverte de la fameuse comète de 1577. Et là, il envoie des élèves dans toute l'Europe pour observer cette comète qui est un des, bon, faut regarder dans plus le détail, mais un des arguments qui va commencer la destruction des sphères, parce que la comète passe à travers les sphères et il n'y a pas de catastrophe, il se passe rien, si vous voulez. Et donc c'est de ce point de vue, on doit à Tycho cet apport là qui est quelque chose d'un très grand progrès. C'est le début de la fin des sphères. Il y a d'autres raisons, et donc comme il y a eu la fin des sphères, il fallait trouver quand même pourquoi ça tient, comment ça tient. Parce que les sphères, c'est bien gentil, c'est bien parce que ça permet de tenir tout ça. Alors après, il faudra développer une physique qui va expliquer que ça tient. Comment se fait-il, question Denis Savoie, comment se fait-il que Tycho Brahe se casse le nez sur justement l'observation et la parallaxe à l'observation des étoiles? Parce qu'il ne prend pas la mesure de la distance, en fait? Vous savez qu'il avait, il s'est vraiment cassé le nez. Hein. C'est vrai qu'il avait un nez en or. Hein. Voilà, il s'est fait couper dans un duel. D'abord, il faut dire que la parallaxe des étoiles, elle existe. Copernic, d'ailleurs, dans sa préface, avait dit les étoiles sont très très loin. Il faudra attendre Bessel dans les années 1830 pour qu'on découvre la parallaxe d'une étoile, qui est inférieure à une seconde d'arc. Donc Tycho, à 2 minutes, il ne peut pas l'obtenir. Et pour compléter ce que dit Jean-Jacques, il apporte aussi une découverte majeure, c'est la Nova de 1572, oui, qui montre que les cieux ne sont pas immuables, comme l'avait dit Aristote. Donc c'est déjà, avec les comètes, l'écroulement, en fait, du système aristotélicien, et ce sont les observations nombreuses qu'il a faites, qui vont mettre en 1600 Kepler sur la voie en fait du mouvement elliptique des planètes autour du Soleil. Oui, avec allez-y, Jean-Claude. Il y a toute une histoire qui est, alors ce qui est assez remarquable dans cette histoire, si je peux dire, c'est que c'est très facile de la romancer. Et que ces personnages sont tous des personnages de roman. Le cas de Tycho est très frappant, parce que on sait que Tycho était un grand paranoïaque, qu'il a eu eu un procès avec un certain astronome qui s'appelait Ursus, qu'il avait accusé de lui avoir piqué son modèle, qu'il l'a invité à dîner un soir, il l'a endormi, puis pendant que Ursus s'était endormi, il a été voir s'il y avait dans son observateur, dans sa bibliothèque, quelque chose qui lui avait pris, etc. Et il y a eu toute une aventure je passe les détails. Kepler donc à un moment été amené à prendre parti contre Tycho. Et lorsqu'il s'est présenté pour avoir un poste chez Tycho, puisque Kepler est venu travailler chez Tycho, Tycho lui a dit: écoute mon vieux, je sais pas comment je vais te prendre comme assistant, parce que qu'est-ce que t'as fait contre moi? Et du coup, Kepler a écrit un ouvrage absolument remarquable, qui est un des grands ouvrages d'épistémologie de l'astronomie, qui est le Contra Ursum, dans lequel il réfléchit sur la nature des hypothèses astronomiques et il a transformé une sorte de contrainte que lui imposait un mandarin, d'une certaine manière, en un ouvrage épistémologique et philosophique. Et là-dedans, dans cet ouvrage, il justifie le copernicianisme avec des arguments de plus en plus importants qu'il avait déjà dans sa première œuvre, dans le Mysterium. Kepler surtout, mais on arrive à la fin de cette émission et on consacrera une émission entière à Kepler, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire à son propos. Kepler, c'est l'astronomia nova qui va au-delà système héliocentrique de Copernic. Il annonce, en fait, on dit de Kepler que c'est le plus grand astronome en termes de révolution paradigmatique, une fois de plus, peut-être de l'histoire de l'humanité, parce que c'est lui qui pose les premières lois astronomiques. Absolument, c'est un homme admirable, à la fois scientifiquement et à la fois humainement. Et l'Astronomia Nova de 1609 est un livre qui va complètement bouleverser l'astronomie et qui sera suivi un an après par quelqu'un que Kepler ne va jamais rencontrer, mais avec qui il va un petit peu correspondre, qui est Galilée, avec le Sidereus Nuncius en 1610, qui va montrer qu'il y a des astres autour de Jupiter qui tournent, qui va montrer que la Lune n'est pas un corps parfait, qui va montrer que la Voie lactée n'est pas un phénomène céleste de l'atmosphère, et qui va en quelques nuits bouleverser 2000 ans d'astronomie. Ça vaudra ensuite la condamnation de l'héliocentrisme en 1616, et l'Église retirera l'héliocentrisme de cette condamnation que dans la première moitié du 19e siècle. Et ce sera l'occasion d'une autre émission donc pour parler de la suite de cette histoire du cosmos à partir de Kepler et jusqu'au XXe siècle, peut-être une émission consacrée à Kepler lui-même. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Jean-Jacques Cécignars, merci Denis Savoie. Je rappelle que pour compléter l'écoute de cette émission, je vous invite à aller assister à l'exposition Le Monde en Sphère. C'est en ce moment à la Bibliothèque Nationale sur le site François Mitterrand à Paris jusqu'au 21 juillet. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lezen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Noémie Néguette-Saint-Vulfranc, Laurence Malonda à la réalisation et Clément Daté à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. On parlera entre autres d'épigénétique, on parlera de la théorie des quarks et puis on parlera aussi un peu de fin du monde, de quand tout ça va nous tomber sur le coin du nez comme à Tycho Brahe. On parlera un peu de collapsologie, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.